changer que le mon cœur très misère au soleil qui n'a toujours ni à boire ni à manger que ceux d'en haut sont toujours pareils que son père dit encore un jour se venger. Que même au contraire, tout dégénère. Qu'entre nations d'une même ethnie, on s'entretue. Au nom de fausses croyances perpétrées naguère, nourries de haine auxquelles on ne croyait plus. La fuite ailleurs, faite avec de tristes moyens autodestructeurs, plongeant certains dans l'illusion d'un meilleur, ou tout juste dans quelques gouttes de bonheur, dans une vie où l'amour a évité leur cœur. Comme